Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Connaissez-vous le Minet Galant ? Allons, pas d'hypocrisie, cet hôtel qui se trouve à Montretout. On peut y croiser Victor Emmanuel Champdebise, Carlos Homenides de Istangua, le docteur Finache, Olympe, Ferraillon. Non, on peut y croiser aussi Poche, vous savez, qui est garçon d'hôtel au Minet Galant précisément, et le sosie de Champdebise, ce qui va un peu compliquer les choses, puisque nous sommes dans Feydeau et dans La Puce à l'oreille. Et avec quelle distribution ? Alors quelques noms, Jean Le Poulain, Marthe Mercadier, Pierre Mondy, et puis, ce n'est pas fini, Louis de Funès, en directeur d'hôtel, parfois coléreux, comme il se doit. Ajoutons Marcel Achard et Bernard Blier pour la présentation de la mise en scène. Nous sommes en 1953, la comédie a été jouée sur scène au Théâtre Montparnasse, Gaston Batty, et la chaîne parisienne, le 6 juin, 1953 donc, en propose une version radiophonique par définition où le premier acte est raconté seulement, mais très bien raconté. Feydeau, c'est formidable, c'est génial, tout le monde le sait, est sur scène et à la radio. Bonne puce à l'oreille. La radiodiffusion française présente, par transmission différée partielle, d'importants extraits du spectacle actuel du Théâtre Montparnasse, Gaston Batty, à Paris. Direction Marguerite Jamois. Vous allez entendre La puce à l'oreille, comédie de Georges Feydeau, mise en scène de Georges Vitali, décors et costumes de Roger Chancel. Voici la présentation. Monsieur Georges Vitali vous parle. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans la salle deux spectateurs de marque, Monsieur Marcel Achard et Bernard Blier. Monsieur Achard, vous qui êtes un grand spécialiste du théâtre comique et qui avez préfacé les œuvres complètes de Feydeau, avez-vous retrouvé dans ma réalisation de La puce à l'oreille au Théâtre Montparnasse les qualités essentielles qui vous ont tant frappé dans le théâtre de Georges Feydeau? Mon cher Vitali, je peux vous dire tout de suite que oui, très nettement, et pour une raison très simple, c'est que vous avez employé les mêmes moyens que Feydeau. Ce qui est prodigieux chez lui, c'est qu'il donne, à force de rigueur, un immense sentiment de liberté, et je trouve que c'est ce que donne votre mise en scène. Elle est rigoureuse, elle est implacable, et en même temps, elle donne le sentiment que les comédiens sont débridés, peuvent faire ce qu'ils veulent, ont tous les droits et se permettent toutes les blagues, alors qu'il n'y en a pas une seule qui ne soit réglée au préalable. Et c'est ça, au fond, la vraie mise en scène de comique, la vraie mise en scène de théâtre comique, et sûrement, je suis sûr que Feydeau a approuvé dans ses moindres détails tout ce que vous avez fait. Autre chose à dire, je trouve, c'est que la jeunesse, l'extrême jeunesse des gens qui jouent cette pièce, qui ont, enfin, dans le maximum, le plus âgé, doit avoir dans les 40 ans, n'est-ce pas? Et ça leur permet de la jouer à un rythme forcené, et tout le comique est multiplié par 10 du fait que on n'a pas à se pencher sur le cas de vieilles gens à qui il arrive des drames ou des petites catastrophes de tous les jours, oui. Mais de jeunes types qui sont capables d'en prendre leur parti. Par exemple, je cite le cas de Mondy recevant une volée, une tornade de coups de pied au derrière, n'est-ce pas, oui. Et ça, c'est très drôle, alors que si c'était fait par un homme de 50 ou de 60 ans, enfin, je veux dire, si c'était reçu par un homme de 50 ou de 60 ans, ce serait plus tragique qu'autre chose, n'est-ce pas, plus pénible qu'amusant. Mais, et la course dans l'escalier, cet escalier que vous avez fait, n'est-ce pas, les montées et remontées et ces ruées dans cet escalier ne peuvent être exécutées que par une troupe très jeune. Et moi, je vous félicite de tout mon cœur parce que je me suis amusé comme un fou. J'ai retrouvé la verve de Feydeau à son maximum. Monsieur Achard, merci. Bernard Blier, vous qui avez déjà joué du Feydeau, quelles sont vos réactions de comédien devant l'interprétation de La puce à l'oreille? Elles sont excellentes. Je suis particulièrement heureux de voir dans quel rythme et dans quel style est jouée la pièce. Je connais Feydeau par cœur et je crois que rarement on a trouvé une distribution aussi parfaite. Je ne dis pas que Feydeau n'a pas été bien joué avant cette interprétation. Je suis d'autant mieux placé pour en parler que j'en ai déjà joué et que je suis un garçon très peu modeste, comme chacun sait. Mais je crois qu'on peut difficilement trouver une distribution aussi parfaitement jeune et aussi parfaitement dans le style de ce qu'a souhaité l'auteur. Je crois que ça dépend en majeure partie du metteur en scène. Je vous tire mon chapeau très vivement parce que ce que vous avez fait est parfait. La distribution me semble impeccable d'un bout à l'autre. Et je dois saluer tout d'abord Mondi, qui est un type absolument sensationnel dans Poche. Et il le joue parfaitement d'un bout à l'autre. C'est une grande performance vocale, physique. On ne se rend pas compte, quand on n'a pas joué de Fedo, à quel point ça peut ressembler à un match de football. Mondi est absolument merveilleux, d'un bout à l'autre. Il a le style, il a la rondeur, il a la jovialité, et il a surtout une chose primordiale pour jouer Fedo. Il a, comme tous ses camarades, d'ailleurs, je vais vous parler des autres, mais il a la sincérité qui est indispensable pour jouer le théâtre comique. Je crois que Fedo disait lui-même de ses pièces, il faut jouer mes pièces comme du bataille. Il avait raison. Et c'est une bataille qu'on livre tous les soirs. Oh, non, c'est une bataille avec des armes tout de même bien acérées, parce qu'il est, très utile d'avoir un texte aussi efficace. En effet. Et pour sortir de cet emploi de rondeur, que pensez-vous de nos autres camarades? Oh, ben, ils sont sensationnels. Moi, je me suis amusé d'un bout à l'autre. Jacques-Henri Duval est parfait dans son personnage de jeune coquebin. De 1900, c'est un personnage qui me fait tellement rire parce qu'il disparaît peu à peu de nos jours. On voit encore, à l'heure actuelle, dans des bars des Champs-Élysées, enfin moi j'y vais très peu, mais je sais que ça existe encore, on voit des types comme ça qui sont des gens qui regardent les filles et qui s'en occupent. Et Jacques-Henri est très amusant. Et alors, il y en a un qui me passionne, il y en a deux qui me passionnent, c'est De Funès et Rémy. Parce que De Funès a vraiment... d'un bout à l'autre, le paroxysme intérieur qui est nécessaire pour ces personnages de Fedo. C'est presque un personnage à la Dubout, d'ailleurs, physiquement. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai une grande tendresse pour De Funès, parce que d'abord, je le connais bien, j'ai tourné beaucoup avec lui, et chaque fois que je le vois, il renouvelle toutes les joies qu'il m'apporte. Et est-ce que le bègue Albert Émy vous a amusé dans la pièce? Oh, bah, bien sûr, bien sûr. Et puis alors, c'est un personnage que j'aime tendrement aussi, celui-là, parce que Rémy le joue avec une précision et une férocité dans l'incompréhension des personnages qui est très touchante. En effet, nous avons beaucoup parlé des hommes, et que pensez-vous de nos femmes? Oh, les femmes sont délicieuses, et c'est d'autant plus difficile parce que les personnages, le personnage clé de Fedo a toujours été joué, à part bien des cas, à part très peu de cas, il a été joué par une actrice sensationnelle que je n'ai pas connue, hélas. Enfin, je dis, alors, si je l'avais connu, je serais plus vieux. Ça serait pas grave. Nous serons plus vieux. Ouais. Mais Cassive jouait certainement la pièce comme Marthe Mercadier. Eh bien, Bernard Blier, je vous remercie d'avoir bien voulu communiquer vos impressions aux spectateurs. Ben, je suis très heureux. Monique Delaroche situe l'action du début de La Puce à l'oreille. Un matin, Raymond Chandebise, en inspectant par mégarde, du moins c'est elle qui le dit, le courrier de son mari Victor-Emmanuel Chandebise, directeur d'une compagnie d'assurance, tombe sur un colis postal expédié par l'hôtel du Minet-Galant, à Montretout. Colis qu'elle ouvre sans hésiter et dont elle retire à sa grande surprise une paire de bretelles qu'elle avait donnée quelque temps auparavant à son époux. Cela lui met la puce à l'oreille. La vérité est tout autre. Car, exténué par trop de travail et ayant une tendance à se voûter, Chandebise, sur les conseils pressants de son médecin, le docteur Finache, a décidé de porter des bretelles américaines qui l'obligeront à se tenir droit. Aussi, pour être contraint à les mettre, il a donné toutes ses bretelles ordinaires à son neveu Camille Chandebise, jeune noceur, amant de la cuisinière de la maison et client assidu de l'hôtel précité. Raymond est maintenant persuadé que son mari la trompe, d'autant plus que depuis quelque temps, elle le trouve moins empressé, moins amoureux que par le passé, et la néglige quelque peu. Elle confie son tourment à sa meilleure amie, Lucienne Homenides de Istangua, qui lui conseille tout bêtement d'écrire à son mari une lettre brûlante d'amour en lui donnant un rendez-vous. Rendez-vous où elle aura soin de se rendre elle-même. Si Chandebise vient, elle sera fixée. Le lieu de la rencontre, c'est justement cet hôtel du Minet-Galant, qui, comme son nom l'indique, n'est pas précisément une pension de famille. Mais Victor Emmanuel connaît son écriture, c'est donc Lucienne qui prendra la plume. Au reçu du message, Chandebise reste stupéfait. Mais dans cette lettre, il est dit « Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur. Ce monsieur, c'était Romain Tournel, un intime ami plein de fatuité et coureur comme une fille, et qui courtise en cachette la femme de Chandebise. » Ce dernier n'est pas beau, il l'ignore pas, il sait qu'il ne peut inspirer des béguins. Tandis que Tournel, c'est autre chose. Il a l'habitude de tourner la tête aux femmes. C'est donc Tournel qui ira au rendez-vous. Il accepte non sans façon, mais Chandebise, en revanche, conservera la lettre. Il y tient car c'est bien la première de ce genre qu'il aura reçue de sa vie.

ça fait du bien. Oui, oui, la dame surtout, hein. La dame. Bon, mais maintenant, faut que j'aille porter le vermouth au quai. Encore. Ça, voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Es-tu mon mari, oui ou non? Moi? Oh non, moi, je suis une garçon de l'hôtel. Quoi? Ah, mon Dieu, Victor Emmanuel a un transport au cerveau. Oh mon Dieu. Mais non, hey, tout ça, c'est des acquis procos. Hein? D'abord, moi, je m'appelle Poche. Tiens, demandez plutôt à Baptiste. Baptiste. Mais quel Baptiste? Le vieux monsieur malade. Baptiste, mais pour vous. Oh, s'agit pas de ça, dis voir un peu qui cache. Comment qui t'es? Tu le sais donc pas? Ah, moi si, mais c'est pour madame. Mais qui est monsieur? Ben, c'est Poche. Poche! Le garçon de l'hôtel. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Voyons, comment il serait vrai? C'est une plaisanterie, c'est un coup monté! C'est pas possible! Poche! Poche! Oui, chef! Si je vous demande pardon, mais le patron m'appelle. Le patron, eh bien, nous allons savoir. Allez, mais retirez ce monsieur, veuillez, je vais plus vous dire qui est monsieur. Oui, Poche ici, et une bouteille à la main. Patron! Pour la tourcame! C'est pour le chef! Oui, chef. Vous voyez ce que je vous disais? Plus n'importe quel monsieur, c'est notre garçon, une espèce d'alcoolique. Le garçon? C'était le garçon d'hôtel. Oh, Raymond. Quoi? Nous avons embrassé le garçon d'hôtel. Bah, c'est bien, je viens de le dire. Ah, j'avais pas entendu. Je suis abasourdi, n'est-ce pas? Une ressemblance pareille, ça n'est pas possible. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Ah, si je n'avais pas vu le patron le traiter comme il l'a traité, je douterais encore. Mais des coups de pied quelque part, oh non. Même pour me donner le change, Victor Emmanuel n'irait pas jusqu'à accepter des coups de pied dans le... Tôt. Oui, oui. C'est évident. Oh, mon ami, quelle émotion. J'ai la gorge sec. De l'eau. Hein? Donnez-moi un peu d'eau. Ah oui, de l'eau. De l'eau. De l'eau. Pas dans vos poches. Poche? Ben oui, bon. Où y a-t-il de l'eau? Mais dans la chambre. Dans la chambre. Où y a-t-il de l'eau? Dans le cabinet de toilette. Bon, merci. De l'eau! De l'eau! Le garçon! C'était le garçon d'hôtel! Il y a de ces choses dans la vie. Eugénie! Alors mettez-moi dans la bûche, il vient de tomber, ma Eugénie! Mais qu'est-ce qu'il fait, tout le monde? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est bon! Allez, viens, bébé, viens, mon poulet! C'est l'heure du crime! Et qu'on va donc bien aimer son gros Camille! On a dû nous retenir une chance! Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? C'est que je. Victor Emmanuel! Ah! Monsieur! Ouh! Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous aujourd'hui à m'appeler Victor Emmanuel? Oui, non, je ne sais pas. Toutes ces émotions, je me sens faible, faible, comme si j'allais me trouver mal. Ah non, non, faites pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon ami? C'est pas pour mon plaisir. Oh non, non, bien sûr. Tenez, vous devriez vous reposer, vous étendre un instant. On ne sait pas, refus. Venez, venez, allongez-vous là sur le lit. Je n'en peux plus. Mais ça, Christine, alors vous serez toujours là, vous? Mais c'est vous qui m'avez fait venir. Je devais partir, mon ami, je devais partir, vous n'allez pas discuter. Mais non, allez, retournez chez vous. C'est un sens, j'en prenais comme ça dans la chambre des gens. Ils m'ont reconnu, je suis jolie. Et Antoinette? Qu'est-ce qu'elle fait par là? Antoinette! Oh! Étienne! Oh! Étienne, votre belle chambre! Étienne, ici! Votre belle chambre dans cette maison, mais pour très côté! Non, pas là, pas là! Alors, quelle arrière, mon Dieu! Galloway! À côté! On allait! Et on dit, on allait! Galloway! Somebody with a chica. It's me, my darling. Eh bien, il y a d'autres personnes dans cet hôtel. Tiens, de l'argenterie. Oh, c'est mouillé. Désirez, monsieur. Ah, madame, d'abord, voici un objet d'art dont je ne m'explique pas bien l'usage et que je viens de trouver à terre. Oh, c'est drôle, mais on dirait un bijou ancien. On allait. Je l'ai dit, on y est. Sans doute quelques clients qu'il aura laissé tomber, je le déposerai au bureau. Oui, c'est ça, et maintenant dites-moi, madame, il n'est pas venu une dame demander la chambre de monsieur Chambise? Et où est-elle, cette dame? Oh non, monsieur, voyons, nous n'avons pas le temps. Allons, il faut que je la voie. Son mari peut surgir d'un moment à l'autre. C'est un bougre qui l'a tué. Oh, il faut absolument que je la prévienne. C'est dans ce cas, je crois que je l'ai vu entrer là. Là, c'est bien, madame, c'est bien. Oh oui! Je vous demande pardon, monsieur. Ah! Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari! Oh, mon mari, mais arrêtez-la! Oh,

Et puis maintenant, la vite à la gorge, hein. Oh, bah, qui c'est qui m'a chauffé ma veste et ma casquette? Bah, mon colombier, mon pote, tu l'os, suis alors. Puis à la place, il a laissé un chapeau, que t'as demandé un peu, tiens. Un chapeau pour. Oh, bah, tiens, une veste. Puis une jaquette, bah, mon vieux, comme il faut, j'aille à la gorge, hein. Allez, hop là. Allez. Après tout, un paneton envoie un autre. Puis moi, je rendrai Silla quand ils m'auront rendu mon mien. Allons bon, on sonne encore. Véla, le vide, Véla. Véla. Par là, Véla, monsieur le docteur, vite Véla. Par là. Oh, ah, non, alors quoi? Si vous vous imaginez, je suis venu ici pour soigner des malades. Yes. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a, votre patron? Bon, c'est pas grand-chose, comme tu dirais, un taf qu'elle vient d'avoir. Taf? Oui, un taf, enfin une fenêtre. Fenêtre? Ben, une frousse, quoi. Eh bien, une frousse. Oui. Ben, dites-toi donc, du moment que vous parlez français. Une frousse qui lui a tourné les seins. Alors, ouais. C'est nerf, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, alors, et c'est pour ça que vous me dérangez. Oui. Mais vous n'aviez qu'à prendre un bon siphon et à l'arroser, c'était calmé. Oui, enfin, tant faire que monsieur le docteur a pris la peine de descendre en tant que monsieur le docteur à voir. Ben, hein, évidemment, puisque je suis. Oui, monsieur le docteur, alors par ici, monsieur le docteur, vite. Le fou est parti. Oh là là là là là là là là là. Qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, si c'est comme ça qu'il reçoit la clientèle, on ne doit pas revenir deux fois. Quel énergumène, mon Dieu! Et allons bon, mon chapeau et ma jaquette qu'il avait posé là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il a voulu juste une voiture! Ah, venez! Voilà le garçon! Ah oui, le garçon! Vite, Poche, une voiture! Quoi? Une voiture, vite! Voici dans le salon des Champs de Bise. Eh bien, vous pouvez pas venir ? Oui, madame, je peux l'être. Monsieur, elle n'est pas rentrée ? Non, madame. C'est bien, laissez-nous Étienne. Oui, madame. Chameau va. Vous dites ? Oh, c'est pas, monsieur. Ah, j'espère, ouais, monsieur. J'espère. Cher ami, puisque maintenant vous êtes chez vous, n'est-ce pas ? Moi, je... Alors, vous n'allez pas me laisser, hein ? Ah ! Merci. Ah. Je ne sais pas dans quelle disposition rentrera mon mari. Vous avez vu tout à l'heure quand il nous a rencontré la seconde fois à l'hôtel du Minaganan. Il avait l'air de vouloir vous étrangler. Vous comprenez que si jamais la fantaisie vous prenait. Oui, mais vous pensez qu'il vaudrait mieux que je sois là. Ah oui, je ne tiens pas à être seule pour recevoir le choc. Bon, bien. Très bien.

fais attention. Alors, c'est quand même, on n'a plus sa tête. Ah non, il n'y a pas. Il a beau être incollé, il veut dire fou, fou. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, bien oui, madame, il est surexcité. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi cela avec Étienne, on va essayer de. Oh oui, oh oui, docteur, couchez-le, parce que maman, nous ne pouvons plus. Madame, oui, mais vous savez, c'est ça, allez, tournez. Madame, je vous demande pas. Tenez, j'ai connu un petit alcoolique comme ça, il avait 12 ans, c'était vous. Eh bien, voyons, mon bon ami. Ouais, vous avez eu un plaire de les faire partir parce que ça allait se gâter, hein. Mais parbleu, j'ai bien vu, voyons. Non, mais c'est que ces gens-là, mais dites-moi, ils sont pas un peu marteaux? Un peu marteau, un peu marteau. Ah, qu'est-ce que je disais, un peu marteau? Marteau, marteau. Mais alors, moi, fallait me faire signe, pas. Fallait c'est tout bas, ils sont louftingues. Mais si vous avez à me prendre la main, oui. Non, rien, c'est par amitié. Ah, parce que moi, je me serais pas emballé. Parce que si c'est avec les bras, il faut toujours dire comme eux. Oh. C'est curieux. Vous n'avez presque pas de poux. Quoi? Je dis, vous n'avez presque... Il n'a presque pas de poux. Ben évidemment que je suis pas pouilleux. C'est drôle. Alors, rien donc. Ah, bon, bon, bon. Ça le fait rire, hein, le larbin. Et... Hein? Là, eh bien, maintenant qu'on a bien ri, on va être bien raisonnable. Quoi? Voilà, moi, je suis un ami. Vous me connaissez? Non. Ah, bon, bon, bon, bon. Eh bien, je suis le docteur. Le bon docteur. C'est moi qui soigne. Bobo, malade, tisane, diète, le bon docteur. Ben oui, quoi, je suis pas gâteux, c'est le docteur. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il a à faire l'idiot, lui, alors? Eh bien, je sens en vous regardant que vous devez être fatigué. Je suis fatigué. Qui sait, vous êtes fatigué, il est fatigué. Il est fatigué. Je suis fatigué. Mais si vous étiez à ma place, hein, j'ai 5 heures. Allez, l'hôtel, montez le bois, puis je tire le parquet. Maintenant, vous partez. Évidemment, évidemment. Évidemment. Là, savez-vous, vous allez vous déshabiller et vous coucher. Moi, bon. Eh bien, alors, au moins, vous allez enlever cette jaquette dans laquelle vous êtes mal. Étienne va vous apporter une robe de chambre bien confortable. Ah oui, mais dis, Étienne va m'aller. Non, mais c'est en attendant. Étienne. Oh oui, monsieur le docteur, oui. Maintenant, il y a par là un excellent. Mais qu'est-ce qu'il a à faire la pompe? Vous allez vous y étendre. Mais il va me foutre un mal de mer. Allez faire une bonne tonne. Non, mais vous y pensez pas, ben, monsieur Chambay. Monsieur Chambay, oh mon Dieu. Eh bien, si vous dites quelque chose, vous viendrez me le dire. Bon. Voilà votre chambre. Parfait. Allez, enlevez votre jaquette. Vous savez, hein, c'est pas pour dire, mais vous faites de moi ce que vous voulez. C'est une porte. Je sais pas si je vais la mettre par là ou par là. Ou par là. Ou par là. Ou par là. Là. Eh bien, dites voir que vous n'êtes pas bien là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai l'air du cocher du Lormère. Hein. Ah, vous voyez. Puis c'est vrai que c'est drôlement plus douillet que la livre. Ouais, parbleu, je comprends. Et maintenant, j'ai un petit doigt qui me dit que vous devez avoir soif. Votre petit doigt, ouais. N'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire donner quelque chose à boire. Ça ne vous semblera peut-être pas très bon, mais il faudra avaler tout de même. Oh, du raid. Hein? Oui, plutôt. Ouais, allez, mon mec, je crains pas. Dites-moi, vous avez de l'ammoniaque, là? Oui, monsieur. Nous allons lui en préparer 10 gouttes dans un verre d'eau. Oui, monsieur. Et puis quand il sera dégrisé, vous lui ferez prendre un. Mais attendez, je vais vous faire une ordonnance. Oui, monsieur. Où y a-t-il de quoi écrire? Là, sur le petit meuble, monsieur. Mais d'abord, emmenez-le coucher. Oui, monsieur le docteur, oui. Pour une aubaine, c'est une aubaine, hein. Allez, monsieur, si monsieur veut venir, tenez, prenez mon bras, monsieur. Oh, vous avez une bonne arme, hein. Oh, monsieur m'honore. Ça m'embête, tenez, vous soyez cocu. Moi? Mais c'est vous qui me l'avez dit, ça. Mais je ne le sais plus, monsieur, prenez la soupe chez le concierge. Non, ben, si, prenez que ça, ouais. Non, monsieur. Christi, ça sent fort. C'est ce papier qui est parfumé comme ça? C'est à tomber. Ah où, Renner? Oh, où il y en a, Owen? Bah, il en est en est, il en est en est. De quoi même parlez donc pas si vite. Il vous a dit qu'il est en est. Mais mettez dans votre palais, que diable, c'est pas la peine que je vous en ai apporté un. Les R.U. ont allé. Hein? Et en anglais, il a envoyé promener en roulement dans la noire. Hop là, une palais. Un anglais qui vous a donné un coup de poing dans la mâchoire? Mais il y avait une chien. Et donc, j'ai vécu à Holmar aujourd'hui. Et où nous les rencontrons dans les ondelles, et ondelles, et réondes, et en mine, avec un grand émoi en haut. Hein? On prend l'émoi d'un bout d'un rond, et un âme ménilé, et dans un riz, il allait au milieu, en, je vous dis, il est où? Et le tralini, au lieu, il y a le tralini, en! Madame, on va demander à monsieur le docteur comment va monsieur. Monsieur, mieux. Oh bon. Vous lui direz. Tiens, non, plutôt j'y vais moi-même. Et qui est là, bon? Bon, rien, Chambus, c'est un peu souffrant. Allons, viens. Ah, monsieur est couché. Parfait. Bonsoir, monsieur Camille. Viens, oh, pareil. Mais allez, Étienne, allez préparer l'ammoniaque pendant que je vais chez madame. Et oui, monsieur le docteur, oui. Ah, on Dieu, on Dieu. Je suis abruti, honnêtement, je suis abruti. C'est une petite plume là, on me dit humain, on rit à un iglo. En vrai, Ah, Renaud, il ombrois. Et je vous demande pardon. Il t'a Manuel. Pas de la musique, j'y vais aujourd'hui à l'hôtel du Minet Galant. Après-ti. Encore un alors. Il m'avait reconnu. Il avait une réponse. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans la gueule? Mais crache, mon vieux, crache! Moi j'ai une pépite. Alors, on va porter à boire. Et oh mon nom, il ouvre. Moi il craignait d'être accoulé et il a fait ça très bien. Tout le même côté, je lui croyais les IE et quoi. Il est là très large. Ça mène pas à la campagne. Non mais qu'est-ce qu'il y a donc dans l'air aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a donc? Mais cet hôtel, Mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Enfin, c'est pas trop tôt que je quitte cette livrée. Quand je pense que j'ai été obligé de rentrer dans cette tenue. Ah là là, le concierge ne me reconnaissait pas, lui. Oh, pas passé. Là, il voulait que je monte par l'escalier de service. Ah là là, pas encore fini, hein? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Camille? Ah, ça, je me le demande, Étienne. Oh! Monsieur me reconnaît! Comment ça, si je vous reconnais? Mais non, vous plaisantez, pourquoi ne vous reconnaîtrais-je pas? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Eh bien alors, Oui, viens-le! Mais qu'est-ce qu'il a? C'est nous, mon ami, nous venons savoir. Vous ici, madame! Et tournez avec vous. Alors, il n'y a pas, on fait ça. Qu'est-ce que vous faisiez quand j'en ai surpris tous les deux là-bas, dans cette boîte interlope? Oh, la centième fois que l'on t'explique. Qu'on m'explique. Je vous demande pardon, mon cher Finas, ce soir je me suis laissé aller à un mouvement de colère. Ah, ouais, non, c'est un exutoire, si ça doit vous faire du bien. Oh, mais ça va se calmer, oui, oui. Il y a déjà un mieux sensible d'ailleurs. Vous commencez à reconnaître les gens, à savoir qui vous êtes. Quoi? Ça va mieux, ça va mieux. Comment ça, à reconnaître les gens et à savoir qui je suis? Je ne veux pas dire ça. Parce que j'ai eu beau m'emporter, mais j'ai toute ma raison, ça vous savez. Bien, ah, ça va bien. Ah, oui. Ça va. Mais c'est égal, tout de même, à votre place, je serais resté couché. Ouais. Pas besoin, amiez-vous de remettre votre jaquette. Ben vous êtes bon, vous, parce que j'en avais assez de me promener en groom. Groom? Pour être rôle ou de se balader en arpège. Oui, mon cher, oui, une livrée. À moi, une livrée. Voilà, l'idée fixe. Ça, j'en aurais vu de toutes les couleurs, dans votre hôtel du Minet Galant. J'avais donc été. Ah tiens. Ne viens pas y aller. Eh bien, j'y étais, voilà tout. Que de péripéties, mon Dieu, pas. Une tripotée par-ci, une tripotée par-là. Le patron fou, on m'en donne une livrée, enfermé dans une chambre, obligé de me sauver par les toits, j'ai failli me rompre le cou, et branchant sur le tout, à mes lunettes. Hein? D'ailleurs, comprenez-vous, à ce moment-là, là, j'ai tout eu absolument tout. Mon Dieu, qu'il est malade. D'ailleurs, ça, je m'en souviens mal. La voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Il y a un monsieur, c'est monsieur le docteur qui m'a demandé. Oui, ah bon? Eh bien, monsieur le docteur doit être content. Ouais. Monsieur va mieux. Non. Le délire. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes souffrant, docteur? Moi? Ah, non. Tenez, buvez ça. Hein, qui c'est, moi? Oui, après toutes ces émotions que vous avez eues, ça vous montre. Oui, oh, ça dépend non plus parce que ma colère de tout à l'heure m'a été. Mais j'ai bien vu. Seulement avaler d'un trait, c'est un peu fort. Oui, oh, pauvre. Oh. Non, mais ça fait bien, vu que c'est prévenu. La vallée. Oh, bougez. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Mais dites-moi, mais voilà des farces de mauvais goût. Voyons, chambis. Mais foutez-moi la paix. Oh, cochon, va. Ben, où allez-vous? Comment ça, où je vais? Mais me rincez la bouche, donc vous croyez que c'est agréable? Non. Oh, ça, nous tiens. Il a tout craché, vous savez, comme si on n'avait rien fait. Monsieur Camille Chambis, il est victime. Oh, non. Par exemple, entraînant. C'est pour votre assurance que vous venez déjà? Non, monsieur le docteur, je ne me serais pas permis. Je passerai un de ces matins pour ça. Non, je viens pour rapporter un objet qui a été trouvé à mon hôtel et qui appartient à monsieur Camille Chambly. Oh, mais je le reconnais, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, monsieur? Étienne, valet de chambre de monsieur Chambly. Enchanté. Ah, ça, mais montrez-moi donc ça. Mais c'est le palais de Camille. Il perd son palais en ville. Eh bien, on va là de l'ordre. Mais comment avez-vous su que c'était à lui? Par le nom et l'adresse qui sont gravés sur la plaque. Non, mais si, Camille Chambis, 95 boulevard Malesherbes. Mais c'est très intelligent, ça. Et puis très commode quand on a oublié ses cartes de visite. Eh bien, j'ai bien remettre ça, il va être bien content. Oui. Monsieur le docteur! Oh! Oh, je ne sais pas ce qu'a monsieur Camille, mais je viens le trouver dans la salle de bain, tout nu, en train de prendre une douche. Allons bien, qu'est-ce qu'il y a encore? Une douche à cette heure-ci? Ah, oui. Non, ça, c'est de la folie, alors. Mais voilà ce qu'il fait, votre monsieur Camille. Vous qui voulez le voir, il prend une douche, on n'a pas idée. Ben, où est-elle, cette salle de bain? Mais par ici, monsieur le docteur, par ici. Qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Prendre une douche à cette heure-ci, quelle drôle d'idée. Mais ma parole, mais je ne me trompe pas. Mais c'est bien un livret de poche. Et sa casquette, ben, elle est bien bonne, celle-là. Mais comment c'est-il ici? Mon garçon est donc venu chez vous? Votre garçon, oh non, monsieur, ah, c'est là, c'est l'horreur, oh, c'est l'horreur, c'est tout, mon Dieu. Pas le balade ma livrée en ville. Et puis, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais c'est mon pape, monsieur. Mais arrêtez-vous, monsieur. Oh là là. Oh, j'ai eu une heureuse idée de claquer la porte d'entrée. Comme ça, il a cru que je fuyais par l'escalier. Il a dû s'élancer à ma poursuite. Non, je vous en prie, laissez-moi vous annoncer. Oh non, oh, c'est fini, ça, hein? Arrêtez! Ah, oui! Pas restez! Mon ami. Il n'est plus d'amis. Hein? Ah, vous les m'avez échappé, c'est tantôt. Ils sont les seuls qui m'ont arrêté, conduit chez les commissionnaires et des polices. Je vous aurais fait connaître ce que c'est qu'un revolver. Mais les commissionnaires, ils m'ont confisqué mon revolver. Et ils m'ont fait que je promette, après que j'obtienne les mains achetées, que je ne me servirai plus de la revolver. Je promets. Ah, brave commissionnaire. Oui, hein? oui. Et alors, j'ai apporté des pistolettes. Quoi? Oh, mais ne craignez rien. Je ne vais pas vous suicider. Je n'aurais pu faire un moment de... Ah, comment vous dites en français? Oui. De la flagrante delito. Oui, mais j'ai compris. Maintenant, cela serait un meurtre. Je ne l'ai pas. Ah, je disais aussi. Voici deux pistolets. Non. Une, il est chargé, l'autre, elle ne l'est pas. Eh bien, voyez-vous, moi, j'aime mieux le premier. Je prends de la craie. Hein? Je fais une ronde sur votre cœur. Ah non, voyons. Je me fais le même. Il a été tailleur. Hein? Je prends les pistolettes et les canons chacun dans les roues de l'autre. Pas. Celui qui a la balle, eh bien, il est mort. Ah, et l'autre? Philippe, c'est la toile de chez nous. Oh, ben, vous savez... Allez, prenez une pistolette, je vous prie. Quoi? Prenez une pistolette, je vous dis. Non, merci, moi, vous savez, je ne prends jamais rien entre les repas. Ah, prenez, vous faites le meurtre. Vous n'avez pas. Non. Sans dépiche. Sans dépiche. Là, qu'est-ce qu'il y a? Mais veux-tu? Au sans dépiche, veux-tu? Attends. Au secours. Moi, je suis couché là dans mon lit. Ça y est, la maison est hantée. Tu es la méchante, Attends un peu. Ah, ça ne biche. Les tours, c'est de suite. Tu m'entends? Qu'il y était tout, qu'il y était oxyde. Ouais, toi. Ça ne biche, tu m'entends? Mais tu oublies qu'il y était tout suite. Ah, l'employé, il n'y a plus moyen de dormir. Voilà. Tu prends les pistolettes qu'il y a de toi. Panguy, v'là le pont rouge maintenant! Panguy! Tu m'attends à l'épée, c'est lui! Non, tirez pas! Je vous dis de courir! Non, tirez pas! Oh, le malheureux, il va se tuer! Non, il n'a rien! Je le tuerai! Oh, il est mort! Mais qu'est-ce qu'ils boivent comme saleté dans cette maison? Mais qu'est-ce que c'est que ça sent ici? Les parfums! Les parfums de la lettre, les parfums de ma femme! Ah! Les papiers qui sont les mêmes! Et l'écriture de ma femme! Monsieur, je vous ai voulu très soirée au Palais Royal! Pero! C'est le double de la lettre à marido qui est dans la poche! Ah si? Et par qui? Oh, je fais savoir, je saurais! Ouvrez! Bien, quoi donc? Ah, lâchez-le! Oh! Ah, c'est un petit dans le cow-boy! Cette lettre! Lâchez-le! Cette lettre! Que je l'ai trouvée dans vos papiers! Hein? Vous fouillez dans mes papiers, vous, maintenant?